Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Here's to you, my ramblin' boy. May all your rambling bring you joy. Il y a des vies où les difficultés touchent au prodige. Gilles Deleuze. Late one night in a jungle camp, the weather it was cold and damp. He got the chills and he got 'em back. They took the only friend I had. And here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Autant commencer par la fin. Comme Mayakovsky, Chopin, Boris Vian, Jack London est mort jeune, à 40 ans. Suicide, épuisement, on a beaucoup hésité. À dose normale, la morphine qu'il absorba ce matin-là était faite pour le soigner. À forte dose, elle devenait mortelle. Erreur ou volonté, à cause de nombreux indices confortant l'une ou l'autre éventualité, personne ne put dire avec certitude ce qui s'était passé durant cette dernière nuit. Dans Martin Eden, il écrit « Il arrive quand j'ai très peu dormi que la tête me tourne et que l'envie de mourir s'empare de moi comme une vision de repos, de sommeil. C'est alors que je suis hanté par les vers de Longfellow. L'océan est calme et profond, tout est endormi en son sein. Un seul pas et tout serait fini. » Un plongeon, une bulle, et puis plus rien. Il est mort le 22 novembre 1916 dans son ranch californien de Glen Ellen, vieilli, fatigué, lui qui avait été une force de la nature, un ogre de la vie, un conquérant de paysages. Car il en a ingurgité de la planète. Il a suivi en Corée, comme reporter, la guerre russo-japonaise. Il a fait le tour du monde sur le Snark, est allé à la chasse aux phoques dans le détroit de Bering, à bord du Sophia Sutherland. Il a défendu les sans-papiers, les moins que rien. Il a trimardé sur un bateau de fortune dans la baie de San Francisco. Aventurier et militant, alchimiste sartrienne avant l'heure, il s'exposa à la haine, lui qui aimait tant que les hommes soient réconciliés. Pourquoi Jack London exerce-t-il cette fascination sur nos imaginaires d'adultes ou d'adolescents ? Pourquoi sa vie et ses romans se confondent-ils autant pour créer un personnage libre, attachant ? Un homme que l'on aurait aimé rencontrer, un Malraux du peuple, surdoué et généreux. Jack London fut un chercheur d'or, l'or des pépites et des révolutions, l'homme qui impliqua son corps et sa fougue dans des idées et des mots, ceux du roman et ceux du samizdat. Il crut, comme Woody Guthrie, quelques années plus tard, que son stylo serait une machine de guerre à tuer les fascistes. Une arme contre les inégalités, un paravent à toute forme de pouvoir pour ceux qui n'en avaient aucun. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders. Conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing card games car. Penny a point, ain't no one keeping score. As the paper bag that holds the bottle, feel the wheels rumbling 'neath the floor. And the sons of foaming porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep are rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'll be gone 500 miles when the day is done. Le territoire matriciel de Jack London se nomme Oakland, un petit port de la baie de San Francisco, non loin du Golden Gate Bridge. Là, il vivra ses premières amours, apprendra à naviguer. Là, il travaillera dans une blanchisserie, sera pilleur d'huîtres, bagarreur, buveur de whisky. Là, il va découvrir les livres, fréquentera la bibliothèque et comprendra très tôt qu'il vaudra mieux à l'avenir vendre sa matière grise plutôt que sa force musculaire. Mais l'avenir est loin d'être prêt à se rendre à ses désirs. En attendant, il faut gagner de quoi survivre et manger. Lorsque j'eus 10 ans, ma famille abandonna la campagne pour la ville d'Oakland. Là, je débutais dans la vie comme crieur de journaux. Une des raisons était notre besoin d'argent, l'autre, mon besoin d'exercice. Ces années adolescentes seront une lutte permanente entre la survie immédiate et la vie de plus tard, entre les petits boulots du quotidien et l'investissement sur le futur qu'était la lecture, sans parler du désir de partir, vivre l'aventure des boucaniers, les ports inconnus, les terres et les mers du monde. « Qu'est-ce que je veux ?» dira plus tard le jeune garçon de la vallée de la Lune, en regardant rêveusement le Golden Gate au-delà de l'île d'Alcatraz. Ne sentez-vous pas quelquefois que vous pourriez mourir si vous ne saviez pas ce qu'il y a derrière ces collines-là ? Ah, le Golden Gate. Au-delà, c'est l'océan Pacifique et la Chine et le Japon et l'Inde et toutes les îles de coraux. On peut aller n'importe où lorsqu'on a franchi le Golden Gate. En Australie, en Afrique, aux îles des Phoques, au pôle Nord, au Cap Horn. Enfin, tous ces endroits qui attendent que je vienne les voir. J'ai vécu à Auckland toute ma vie, mais je n'y vivrai pas jusqu'à la fin de mes jours, pour rien au monde. Je vais partir. Partir. La matière humaine, voilà le projet. Lui qui est timide à l'école, lui à qui les professeurs demandent sans cesse « Parle plus fort, Jack, on ne t'entend pas. » Il veut aiguiser sa connaissance du monde et de ceux qui l'habitent. Parler enfin haut et fort quand il en saura assez sur tous ces visages et paysages qu'il ne connaît pas encore. Avant les départs pour le large, il y a ceux de l'esprit. La découverte des livres à la bibliothèque municipale d'Auckland est la première pépite d'or, bien avant celle du Klondike, rencontrée par le jeune garçon à 10 ans. Je dois dire d'abord que j'avais découvert la bibliothèque publique et je me plongeais dans la lecture jusqu'à complète prostration. Dans les pauvres fermes où j'avais vécu, les livres n'existaient pas. Par un pur miracle, on m'en avait prêté 4, des ouvrages merveilleux que j'avais dévorés. L'un était la biographie de Garfield. Le second traitait des voyages en Afrique de Paul de Chaillu. Le troisième était un roman de Ouida où manquaient les 40 dernières pages. Le quatrième, les contes de l'Alhambra de Washington Irving. Ce dernier, je le tenais de l'institutrice. Je n'étais pas un gosse avancé. À l'inverse d'Oliver Twist, je me sentais incapable de réclamer plus que mon compte. Alors apparut dans ma vie la ville d'Auckland et sur les rayons de la bibliothèque municipale, je vis un monde immense surgir de l'horizon. Il y avait là des milliers de livres, aussi bons que mes 4 merveilles, et beaucoup de meilleurs. Je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures et aux anciens voyages sur terre et sur mer. Je lisais le matin, l'après-midi et la nuit. Je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour de l'école. Je lisais aux récréations, pendant que mes camarades s'amusaient. Je commençais à avoir des tics. Je répondais à tout le monde, « Allez-vous-en, vous m'agacez. » Jack quitte l'école à 13 ans pour rejoindre celle de la vie où il apprendra à cogner, à user de ses poings et de son esprit, à lire toujours et à longer les quais d'Auckland, à rêver des bateaux et surtout du grand large. Mais avant d'oser se lancer dans les aventures d'hommes et de marins, avant de rencontrer l'alcool, le compagnon de beuverie qu'il va nommer John Barleycorn, John Grain d'Orge, et qui sera le titre d'un de ses derniers romans, autobiographique bien sûr, il lui faut travailler pour aider sa mère et toute la famille. Travailler toujours de la même manière, c'est-à-dire avec excès et détermination, comme il le fera plus tard avec l'écriture, en écrivant ses 1000 mots par jour. 1000 mots par jour minimum. À l'âge de 15 ans à peine, je travaillais de longues heures dans une fabrique de conserves. L'une dans l'autre, mes journées les plus courtes étaient de 10 heures. Si à ces 10 heures de travail devant la machine, l'on ajoute celle du déjeuner, le temps employé pour me rendre à l'usine et retourner chez moi, le matin à me lever, à m'habiller et à déjeuner, le soir à dîner, à me dévêtir et à me coucher, il ne restait les 24 heures de la journée que les 9 heures de sommeil nécessaires à un jeune gaillard comme moi. Pourtant, dès qu'il était au lit et avant que ses paupières ne tombent, il volait du temps à son sommeil pour pouvoir lire. Mais bien souvent, je ne quittais pas l'usine avant minuit. Parfois, je trimais 18, 20 heures d'affilée. Une fois même, je restais sur ma machine 36 heures consécutives. Et dans ces conditions, impossible alors de dérober le moindre instant pour mes chers bouquins. Souvent, je me demandais si le but de la vie était de nous transformer ainsi en bêtes de somme. Pas un cheval dans la ville d'Auckland ne peinait aussi longtemps que moi. Si c'était là l'existence, je n'en raffolais pas. Venant s'ajouter aux pires conditions de travail qu'il pouvait imaginer, c'est là que la mer va jouer un rôle déterminant. Il s'est acheté une petite barque, un sloop, $1 pour une voile et $2 pour les rames. Il se fait la main le dimanche dans la baie de San Francisco, apprend les vents, les courants, respire le grand air, et il oublie la conserverie et la vie harassante. Il sent que la mer va le délivrer de sa vie de trimeur de force et que l'on peut gagner sa vie avec elle, à condition d'être malin, malin et intelligent, et tout ça, il l'est. Je me rappelais mon petit bateau amarré au quai et dont le fond s'incrustait maintenant de coquillages. Je me rappelais le vent qui soufflait tous les jours de la semaine sur la baie, les levers et couchers du soleil que je ne voyais pas, la morsure de l'air salin dans mes narines et de l'eau salée sur ma chair quand je plongeais par-dessus bord. Je songeais à toute la beauté, aux merveilles, aux jouissances sensuelles dont on me privait. Il n'y avait qu'un moyen d'échapper à ce métier abrutissant, partir au loin sur l'eau et y gagner son pain. Je voulais me laisser emporter par les vents de l'aventure. Or, il soufflait sur les côtes des pirates et les éparpillait d'un bout à l'autre de la baie de San Francisco, des bancs d'huîtres et des bas-fonds sur lesquels on se battait la nuit jusqu'au marché du matin, le long des quais où les revendeurs ambulants et les hôteliers descendaient pour acheter la marée. Toute incursion dans les parcs à huîtres était un délit puni par la prison, la livrée infamante et les fers. Qu'est-ce que cela pouvait me faire? Les bagnards fournissaient des journées moins longues que les miennes à l'usine. Et j'entrevoyais une existence 100 fois plus fabuleuse comme pilleur d'huîtres que comme perpétuel esclave de la machine. Derrière tout cela, sa jeunesse effervescente pressentait le chuchotement du mystère, l'invite de l'aventure. Il fit part de son désir à mamie Jenny, la vieille nourrice noire qu'il avait allaitée et toujours gâtée. Plus prospère que ses parents, elle soignait des malades et se faisait de bonnes semaines. Il lui demanda si elle consentait à prêter de l'argent à son nourrisson blanc, comme elle l'appelait. Si elle consentait, bien sûr que oui. Elle prêta les $300 et Jack s'acheta une petite chaloupe, la Razzle Dazzle, avec laquelle il allait explorer la baie, devenir pilleur d'huîtres, fréquenter les baleiniers de l'Arctique, les contrebandiers d'opium, toute cette faune d'aventuriers que l'on croise dans la baie d'Auckland. À propos de cette période, sa mère, Flora, avouera plus tard à un reporter d'Auckland. Quand j'y pense, c'était plutôt un brave petit gars, mais il avait de mauvaises fréquentations. Il avait des bagarres épouvantables avec les garçons du quartier et il prit l'habitude de traîner sur les quais. Il devint tellement autoritaire qu'il nous rendait la vie impossible et nous avions quelquefois du mal à le supporter. Je voulais me faire marin, je voulais me libérer de la monotonie et des platitudes quotidiennes. J'étais dans la fleur de mon adolescence. L'esprit enfiévré par des récits d'aventure, je rêvais de vie sauvage dans un monde sauvage. J'étais loin de me douter du rôle prépondérant que joue précisément l'alcool dans un pareil milieu. Chez les écumeurs d'huîtres, on buvait, on se bagarrait et on chassait. On volait des bateaux, on brûlait des voiles. Pour Jack, qui se gavait de récits de boucaniers et de corsaires, le sac des villes et les combats d'hommes armés représentaient la vie naturelle et vraie. La vie sauvage et libre. Devenu prince des écumeurs d'huîtres, il lui fallut aussi devenir prince des ivrognes. Son bateau pouvait lui servir de refuge et les lendemains de cuites sévères, il s'enfermait dans sa cabine pour se griser de livres, les nouveaux ouvrages de Kipling, Moby Dick de Melville, Tipeee de Shaw. There were 3 men came out of the west. Their fortunes for to try, and these 3 men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've ploughed, they've sown, they've harrowed him in through clods upon his head. Thank you. till the rains from heaven did fall. And little Sir John sprung up his head, and so amazed them all. They've let him stand till Midsummer's Day, till he looked both pale and drawn. And little Sir John's grown a long, long beard, and so become a man. Dans les cafés, je rencontrais des reporters, des rédacteurs, des avocats, des juges, dont les visages et le nom m'étaient familiers. Leur présence confirmait une approbation sociale. Ils justifiaient cette fascination que les cafés exerçaient sur moi. Eux aussi devaient y découvrir quelque chose de différent, de lointain, que je sentis et cherchais à saisir. J'ignorais ce que c'était au juste, mais sûrement cela existait, car ici les hommes grouillaient comme des mouches bourdonnantes autour d'un pot de miel. Je n'avais aucun chagrin, le monde resplendissait à mes yeux. Comment aurais-je pu concevoir que ces hommes venaient chercher l'oubli de leur surmenage et de leur rancœur? They've rolled him and tied him by the way, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him to the heart. And the loader, he has served him worse than that, for he's bound him to the cart. Around and around the field, till they came unto a barn, and there they made a solemn oath on poor John Barleycorn. They've hired men with a crotchety stick C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. Round.